Le Marcos Pop de Saint-Félicien a remporté les grands honneurs de la Ligue de hockey midget régional. Et encore une fois, cette année, il y avait une bonne formation. Question de savoir un peu comment ça s'est passé. On parle avec l'instructeur-chef David Boudreau. C'est David. Salut Danny. David, effectivement, le Marcos Pop de Saint-Félicien, même si on n'a pas eu de chronique cette année, c'était vraiment exceptionnel comme année, là. Je vous suivais au classement POC. Vous étiez tout le temps deuxième, troisième, donc ça a bien été, là. Effectivement, excusez, on a connu une très bonne saison. Au début de l'année, on a commencé encore le 16 août cette année. Puis notre but était vraiment de se faufiler à travers les séries pour aller représenter la région à la Coupe d'Ouest. Donc, première mission, c'est fait. Là, maintenant, on se prépare en conséquence pour repartir mercredi prochain en vue de la 40e Coupe Dodge. C'est où la Coupe Dodge? C'est où cette année, hein? Dans le coin de Montréal. Ok. Si on parlait, quel genre d'équipe que vous aviez cette année? On a une équipe extrêmement. Une équipe de vétérans, je pourrais dire. On a environ 9 vétérans dans l'équipe des dernières années. Ensuite, on a une équipe extrêmement rapide encore. C'est notre force. C'est notre marque de commerce à Saint-Félicien, là. Je m'en retrouve à avoir des équipes, des joueurs extrêmement rapides. Des joueurs qui jouent très bien défensivement, des deux bons gardiens de but. On a comme un peu de tout, je te dirais bien, là. Ok. Et vous aviez une bonne attaque aussi. Je regardais les résultats régulièrement. Il y avait du 8, 9 à 1, 10 à 1, mais là, ça, là, ça arrivait assez souvent, là. Oui, puis non, là, je veux dire, honnêtement, on avait une ligue, je veux dire, la ligue était des équipes assez bonnes. Je suis vraiment une bonne équipe de hockey, les Marquis de Jonquière, les Seigneurs de Chicoutimi, encore une très bonne équipe de hockey. On a eu des matchs souvent pas trop serrés, mais ça veut des fois, ça veut quasiment rien dire, là. Des fois, surtout en troisième période, on sortait fort. C'était toujours 2 ou 3 à 1, ou 3-0 après 2. Puis là, en troisième, quand on marquait le quatrième but, c'est le quatrième but qui fait mal aux reins, là, quand il veut revenir dans le match. Puis souvent, ben là, ils disaient, bon, c'est 4-0, il reste 10 minutes, on est perdu pareil. Fait que là, on faisait le 5, 6, 7, 8-0, là. Mais des fois, comme je te dis, le pointage, j'ai pas tout le temps, maintenant, ce qui représente vraiment l'allure du match, là. Ok. Dans la série contre du côté des Marquis, vous avez gagné en trois matchs. Il y a eu quand même des matchs assez serrés, là. On a gagné en 6 matchs, Six matchs, 4-2. excuse-moi. Oui, c'est ça. On a gagné 4-2. Ah oui, les Marquis ont commencé en force chez nous. Ils ont gagné 5-4 pour prendre les devants 1-0. On allait gagner les Marquis chez eux 3-2. On perdait 2-1 à moins de 3 minutes de la fin du match. On a marqué 2 buts pour aller égaliser la série. Je pense que c'est vraiment un match important pour nous. On est revenu chez nous 5-0. On est retourné chez eux. On a perdu 5-0. Puis c'est le cinquième match ici à domicile, là, quand on a gagné 9-1, là, mais comme encore là, c'était 3-1 après 2, puis le quatrième but en début de troisième a fait mal aux Marquis. Puis après ça, ben, les Marquis, ils jouaient plus au hockey, vraiment, là. Ils se concentraient pour le prochain match. Puis le dernier match, le sixième à Jonquière, là, ils ont fait toute une opposition. Ils ont dominé les tirs au but 44-37. On a gagné en prolongation, mais c'est tout qu'un match de hockey. Honnêtement, c'est un des plus beaux matchs de ma vie que j'ai coaché midi 2B là, pour les deux équipes, là. C'était intense, ça n'avait pas de coup de cochon. Ça jouait du hockey, c'était super beau à voir. OK. Donc, dis-moi, la Ligue, en n'ayant pas de castor cette année, c'était-tu plus fort où ça ressemblait pas mal? Oh, c'est pas mal pareil, je veux dire. OK. C'est les castors, c'est une équipe, là. C'est Ouais. pas une ligue, là. Non, mais il y avait C'est une des équipe joueurs dans que une peut-être différence. qui auraient pu aller jouer ailleurs, étant donné que. C'est pour ça que je te pose la question, étant donné qu'il n'y a pas une équipe à Delbeau. Ah, je sais pas. Je sais que OK. les castors étant pas là, fait que. Puis il y avait une équipe à la baie cette année nouvelle. Ouais, OK. Nouvelle équipe à la baie, fait que il y avait une équipe arrivée. C'était le même nombre d'équipes l'année passée, mais le calibre de jeu ne peut pas dire que les castors n'étaient pas là. OK. Non. Comment tu entrevois la Coupe Dodge? Ben, on part confiant, c'est sûr et certain, mais là encore, là, quand on regarde les équipes qui sont classées pour la Coupe Dodge, ben, des 1 à 7, tout le monde est là. Et la classe numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que la 10 est là, la 11, la 12, fait que c'est toutes les meilleures de toutes les régions. Donc, je m'attends à une Coupe Dodge très relevée, très serrée. Puis c'est un match, c'est pas une série 3 de 5 ou un 4 de 7, là. C'est un match. Faut être à notre maximum à tous les matchs, être bien préparé. Et Est-ce on que fait le meilleur de partie. comment ça est-ce que le drap, je sais pas comment le dire en français, le Est-ce qu'il y a avantage d'une Pas équipe, est-ce qu'il y a avantage d'une équipe particulière comme aussi tirée au sort? Ben, ils disent que c'est tiré toujours au sort. Puis Ouais. souvent, mettons, quand ils font un tirage au sort, ben, ils gardent un peu le même tableau pour tout le monde. Là, exemple, nous, on commence contre l'Estrie. Ben, le OK. Bantam commence contre l'Estrie. Le Junior commence contre l'Estrie. Fait que souvent, là, si tu commences contre une équipe, là, contre une région, là, ça va tout pareil pour tout le monde. Fait que c'est tiré au hasard. Puis après ça, ben, il y a toujours il y a comme deux bails, entre guillemets, là, je ne sais pas comment dire en français non plus, là, les bails, les fameux bails qu'on peut retrouver. Puis ça, c'est vraiment tout tiré au hasard. Il n'y a pas de. Ben, moi, je pense ça. Je sais pas. OK. Ben David, on va te suivre, on va suivre le Marcos Pop de Saint-Félicien à la Coupe d'Or. Ça commence mercredi prochain. Le premier match est quand? On commence jeudi matin, nous, contre l'Estrie. OK, dans le coin de Montréal. Donc on va surveiller ça d'après pour David, puis peut-être ça va parler à la fin, à la fin de l'année pour un bilan de tout ça. OK. L'instructeur-chef du Marcos Pop de Saint-Félicien, David Boudreau.